franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Défiguration, une fiction sur le peintre américain Jean-Michel Basquiat, émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Laurence Courtois. Le 12 août 1988, Jean-Michel Basquiat, l'un des plus grands peintres du XXe siècle, meurt d'une overdose dans son loft new-yorkais. Sa carrière d'artiste n'aura duré que 8 ans. Commencée en 1980 par des graffitis sur les murs et dans le métro new-yorkais, elle s'achève en 1988 par des toiles de plus en plus épurées. Le peintre avait 27 ans lorsqu'il est mort, mais sa légende naissait. Les hommes aimés des dieux meurent jeunes, écrivait le poète allemand Hölderlin. Basquiat appartient à cette tragique famille des destins américains prématurément brisés, comme Marilyn, Jimi Hendrix, James Dean. Il a connu en accéléré la gloire et ses mirages, la rue et les plus grandes galeries, les paradis artificiels, la révolte et la reconnaissance du succès. C'est dans la rue que Jean-Michel Basquiat va explorer cet univers mêlé de souvenirs de l'enfance, de BD, de musique et de jazz, de violence et de drogue. Tous ces tableaux portent les traces de ses révoltes, de ses errances et de ses références. Mais c'est le corps qui s'impose comme l'axe principal de son œuvre. Son corps et ses origines mélangées, un père noir haïtien et une mère d'origine portoricaine, l'artiste se sent le dépositaire du combat des Noirs américains. C'est sa mère qui lui offre un livre d'anatomie après qu'il a été victime à l'âge de 8 ans d'un accident renversé par une voiture dans la rue. Basquiat lit attentivement l'ouvrage, le feuillette, et il s'en inspire. Il explore ce corps de façon chirurgicale jusque dans ses entrailles, les os, les organes. Oui, tout cela le hante. Et chaque coup de pinceau est une incision dans la toile. Chaque jour vécu est une victoire, une nouvelle toile possible. Jean-Michel Basquiat vit dans l'urgence, il faut peindre, mais vite. En 1981, il participe à l'exposition New York New Wave. Il est jeune, Basquiat, à la mode, oui, on l'adore. À 25 ans, il fait la une du New York Times. Une première pour un artiste noir, mais Jean-Michel Basquiat ne renonce pas à sa liberté, au désordre de sa période sauvage quand il signait ses œuvres graffées sur les murs de la ville par les lettres S-A-M-O. Pour Same Old Shit, toujours la même merde. Son succès est fulgurant. Il côtoie les plus grands artistes et se lie d'amitié avec Andy Warhol. Les critiques le comparent alors à Picasso, mais aussi à d'autres grands peintres américains comme Pollock ou de Kooning. Ce parcours fulgurant laisse quelques 1000 tableaux estimés entre 1 et 3 millions de pièces. Jean-Michel Basquiat s'est toujours revendiqué peintre. « Mon travail, disait-il, n'a rien à voir avec les graffitis, c'est de la peinture, ça l'a toujours été. J'ai toujours peint, bien avant que ma peinture ne soit à la mode. » La fiction sur Jean-Michel Basquiat que vous allez écouter parle d'une de ses œuvres, « Défiguration », qu'il a peinte en 1983 en l'honneur d'un de ses amis, Michael Stewart, jeune artiste noir new-yorkais, mort suite aux coups et blessures infligés par plusieurs policiers en pleine rue alors qu'il graffait sur le mur d'un métro de la Première Avenue. Le tableau peint quelques jours plus tard représente un ange noir battu par deux policiers. Pour nous aider à mieux comprendre et cerner l'œuvre de cet artiste et sa place dans l'art d'aujourd'hui, nous recevrons après la fiction Fabrice Ergotte, historien de l'art, spécialiste de l'art contemporain, directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Défiguration de Leslie Menahem. Réalisation Laurence Courtois. Bellevue Hospital Center, le 28 septembre 1983, 9h14. Contusion au visage. Yeux exorbités. Gorge tuméfiée. Lacération des mollets et écorchure au poignet. Trois côtes cassées. Hémorragie massive à la base du cerveau. Cet homme a été roué de coups avant d'être étranglé. Quoi qu'en dise la police new-yorkaise, Michael Stewart n'a pas pu mourir d'un arrêt cardiaque. Et encore moins à 25 ans alors qu'il était en parfaite santé. Je suis contente que la famille de Michael ait pu faire venir un médecin légiste. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous le connaissiez bien ? Oui. Mon collègue m'a dit que vous veniez tous les jours. Oui, depuis 13 jours. Ça faisait 13 jours qu'il était dans le coma. Le 13, ça porte malheur, non ? Avait-il des problèmes avec la justice ? Aucun. Est-ce qu'il buvait ? Non, pas une goutte d'alcool. Pourtant, le rapport dit qu'il était en état grave d'ébriété. Ils ont dû le saouler. Que faisait-il dans la vie ? Artiste. Michael Stewart était un artiste. Quel genre d'artiste ? Artiste de la rue. C'est-à-dire ? Graffeur. Il donnait la parole aux murs, aux poubelles, aux panneaux, aux boîtes à lettres. Il était poète urbain, si vous voulez. Poète urbain ? C'est devenu dangereux d'être artiste de nos jours, faut croire. Mes condoléances, mademoiselle. Merci, docteur. Chez Jean-Michel Basquiat, Crosby Street, même jour, midi 2. « 28 septembre 1983. Cette nuit, j'ai rêvé qu'un petit enfant noir se faisait renverser par une voiture. Alors le petit enfant joue au milieu de la rue, tout seul, avec une poupée Barbie qu'il a trouvée. La Barbie est blonde, sa peau est blanche, ses yeux sont très bleus. Et l'enfant s'amuse à désarticuler ses membres et à inverser leur position. Parce que c'est drôle. Drôle de faire marcher la Barbie sur ses bras et de la faire applaudir avec ses jambes. Ce petit enfant joue au milieu de la rue lorsqu'il se fait renverser par une bagnole. Puis il se réveille à l'hôpital. On lui explique pourquoi c'est pas grave, qu'une voiture l'a renversé, mais qu'il est vivant et bien solide. Qu'à l'intérieur de son corps, ça peut continuer à fonctionner normalement. Mais sans rate. Qu'il a survécu à un grand choc, qu'il sera un garçon très solide, mais avec des petits fragments qui manquent. Mais solide quand même. Le docteur plaisante en disant que sa famille a dû faire de la magie noire pour qu'il puisse en sortir aussi bien. De la magie noire. Et le petit garçon repense à la Barbie. Il se dit qu'il a été puni. Puni d'être un petit enfant noir et d'avoir arraché les membres de la Barbie blanche. Et qu'il est donc normal qu'on lui arrache quelque chose à lui aussi. Ce petit garçon. C'était moi. J'avais 7 ans. Je fais souvent ce rêve. Et mes rêves se confondent avec mes souvenirs. Je crois que je tourne en boucle. C'est trop de jazz dans ma tête. Mes rêves débordent sur mes pensées, ou bien mes pensées débordent sur mes rêves. Ça dépasse de partout. Comme sur mes toiles. C'est trop grave, Jean-Michel. Elle, c'est Suzanne. Je la quitte souvent. Et puis elle revient. Jean ! René Ricard l'appelle la veuve Basquiat. Jean, il faut que je te parle. Quelque chose de grave s'est produit, vraiment. Ouvre ! Jean ! Je peins, Suzanne. Laisse-moi tranquille. J'aime bien être tranquille quand je peins. Dans une galerie de Soho, le 29 septembre 1983, 10h. Et puis un décès survenu hier, le 28 septembre 1983 à New York, celui de l'artiste Michael Stewart. L'artiste est décédé après 13 jours passés dans le coma. Il graffait illégalement dans les rues de Manhattan quand la police l'a arrêté et menotté. Il était en état d'ébriété. Selon le représentant officiel du corps médical de l'hôpital Bellevue, c'est la trop grande consommation d'alcool, ainsi que son cœur, probablement fragilisé par les drogues, qui l'aurait fait succomber à un arrêt cardiaque. À l'âge de 25 ans, l'artiste afro-américain s'inscrivait dans le même courant artistique que l'artiste underground, anciennement appelé Samo, alias Jean-Michel Basquiat. Allô Jean-Michel ? Oui ? C'est Bruno. Salut Bruno. Je te réveille ? Non, non, ça va. La production avance bien ? T'es inspiré ? Très. Je peins beaucoup. Et toi, New York ? C'est réussi ? Oui, je suis ravi d'être là, oui. Ah, tant mieux, tant mieux. Et Suzanne est passée te voir hier soir ? Oui, mais je ne l'ai pas ouvert. Qu'est-ce qu'elle veut ? Je vais organiser une vente privée avec tous les tableaux que tu lui as donnés, dans une petite galerie. Mmh. Elle veut les vendre. Mais elle ne m'a pas expliqué pourquoi. Bon, je voulais juste m'assurer que tu étais d'accord. Elle veut vendre mes tableaux ? Oui. Ah bon ? Sacrée Suzanne. Elle doit avoir une bonne raison. Oui. Elle doit avoir besoin de fric. Sûrement. D'accord. Bah, fait comme elle veut, hein, je lui ai donné, ils lui appartiennent. Mais si tu veux aussi rajouter quelques nouvelles productions pour la vente, c'est tout à fait possible. Ok. Je te tiens au courant. Tu as écouté les infos, Jean-Michel ? Non, pourquoi ? J'écoute jamais les infos. Écoute-les. Pourquoi ? Écoute-les. Qu'est-ce qui se passe, Bruno ? Une drôle de nouvelle, Jean-Michel. Écoute, Suzanne t'en parlera, là, il faut que je me remette au travail. Ok, d'accord, d'accord. Dis-moi, avant que je raccroche, j'ai une journaliste qui aimerait t'interviewer. Est-ce que tu es libre pour venir faire l'interview demain à la galerie, par exemple ? Ah oui, ok. Bon, alors, à demain. Je te tiens au courant pour les horaires. Bye. Chez Jean-Michel Basquiat, Crosby Street, le même jour, 23h30. Après mon opération de la rate, maman est venue m'offrir un livre, Grey's Anatomy. J'étais fasciné. Je me suis mis à étudier l'intérieur du corps, sa composition, son fonctionnement. Je me suis mis à le dessiner. Depuis, je vois toujours des corps ouverts. Pas des corps nus. Des corps ouverts, translucides. Je vois les intestins, les veines, les tendons, les poumons, les ligaments, le cœur, des traits, des formes, des couleurs. Depuis cet accident, je vois les gens. Je regarde à travers leur peau, à travers leur chair. C'est comme si j'étais un scanner. Salut Jean. Tiens Suzy. Qu'est-ce que tu fous ? Tu rentres sans frapper maintenant ? Bah oui, c'est ouvert. Ah bon ? Arrête Jean, j'étais là hier, tu le sais très bien, sauf que tu m'as pas ouvert. J'ai rien entendu. Oh, c'est ça. Et si j'avais su que tu venais, j'aurais mis des pâtisseries dans le frigo pour toi. C'est gentil. Alors qu'est-ce qui t'amène, Suzanne ? Je pensais que tu faisais la tête, je pensais que t'avais disparu. Je pensais que t'avais de meilleures fréquentations à faire. Jean. Michael Stewart est mort. Quoi ? Michael Stewart est mort. Vraiment ? Jean, tu m'as bien entendu. Il s'est fait buter par les flics. Par des connards de flics qui l'ont battu à mort alors qu'il était tranquillement en train de graffer dans la rue. Ils l'ont arrêté, torturé avant de le buter. Jean, tu sais tout comme moi que Michael Stewart était le mec le plus gentil qu'on connaissait. Qu'il aurait jamais fait de mal à une mouche, qu'il était clean. Et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il lui fasse ce qu'ils lui ont fait. Putain. T'écoutes pas les infos ? Non. Tu dis rien. Jean ! T'en veux ? Arrête. Tu sais bien que j'essaie de plus toucher à ça. Je suis désolé, Suzanne, j'aurais préféré te proposer des pâtisseries, mais j'en ai pas. Alors, je te propose d'en prendre un petit peu avec moi. Ok, ok, mais non merci. Pourquoi t'es venue me dire ça, Suzanne ? Michael Stewart est mort. Pourquoi? Tu veux ma mort aussi? Parce que je suis comme lui, c'est ça? Tu veux ma mort parce que je suis comme lui? Arrête de dire des conneries. Je voulais juste te le dire. Et te dire aussi que je compte faire un procès aux flics. Je vais pas les laisser s'en tirer. Il y a un médecin légiste qui est venu. Il peut prouver que Michael n'est pas mort d'un soi-disant arrêt cardiaque. On peut le gagner, ce procès. Suzanne, j'ai besoin de peindre là, maintenant. Et j'ai envie de peindre tout seul. Donc, soit tu te mets sous la table, hein, comme ça je te vois pas. Soit tu t'en vas. Jean, je vais vendre certains des tableaux que tu m'as donnés parce que j'ai besoin d'argent pour prendre un bon avocat. Je suis déjà allée voir plusieurs galeries et Kiss Haring aussi. Madonna a accepté de donner un spectacle à la Danseteria. Un grand mouvement s'organise pour récolter de l'argent. Et je suis aussi allée voir le Front National Noir Uni. Je voulais te le dire. Alors, laisse-moi peindre de nouveaux tableaux. Je te les offrirai et tu pourras les revendre après pour la bonne cause. D'accord. Et si je peignais un tableau tout noir? Ouais, je sais pas. Pourquoi pas? Je recouvrirai chaque millimètre de la toile en noir et je repasserai plusieurs couches. Ce sera le tableau le plus noir du monde. Si tu veux. Et je revendrai ce tableau à n'importe quel connard de blanc bobo de Soho. Oh, oh. J'écrirai 50 centimes ou n'importe quelle connerie dessus. Et je le revendrai pour $5,000 minimum. Pour me foutre de sa gueule, tu vois. Et puis je t'inviterai dans un resto très cher avec ça, Suzanne. Le plus cher de New York City. Et tiens, écoute, ça pourrait faire une très bonne chanson de hip-hop. Oh, $5,000, dollars, espèce de connard, connard de beau, so, ho, so, ho, yo, oh. Jean, tu veux pas m'aider pour le procès? On pourrait l'organiser ensemble avec la famille de Michael. Tu pourrais témoigner, dire que t'étais un ami de Michael. Dire que c'était un garçon sans histoire, qu'il n'a jamais été violent, qu'il n'a jamais eu aucun problème avec la justice. Je peins, donc je t'aide. D'accord, Suzanne. D'accord. Alors j'y vais. Suzanne ? Oui. Ça aurait pu être moi. Je sais. Ne laisse pas me battre à mort en pleine rue comme Michael. Je veux pas finir comme lui. T'inquiète pas. Ils vont me faire la même chose. Mais non, il n'y a pas de raison. Parce qu'il y avait une raison pour Michael. Non. T'es belle, Suzy. Allez, j'y vais. J'achèterai des pâtisseries ce soir. Comme ça, si tu reviens demain, il y en aura. Ok, Jean. Bye. Bye. Il voudrait repeindre ma peau. La recouvrir de blanc, mettre assez de blanc dessus pour que le noir disparaisse. Ah, déjà essayé. La poudre blanche n'enlève pas les idées noires. Du goudron et des plumes. Il voudrait me transformer en oiseau. Comme ce serait beau. Je serai la blanche colombe qui viendra déposer des plumes sur ta tombe, Michael. Il voudrait me nettoyer au karcher, laver ma peau à l'eau de Javel, gratter, poncer, creuser sous la peau jusqu'aux os. Mais mes os aussi sont noirs, tout comme ma peau, tout comme mes pinceaux. Michael Stewart, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Interview dans une galerie de Soho, le 30 septembre 1983, 14h. Jean-Michel Basquiat, merci de m'accorder cette interview. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. Alors, vous êtes artiste peintre, musicien, mais vous avez également été graffeur sous le pseudonyme Samo. Absolument, oui. Puis, vous avez arrêté de graffer en inscrivant partout sur les murs de New York « Samo is dead ». Samo est-il vraiment mort ? Pour l'instant, oui. Mais on ne sait jamais, il pourrait ressusciter. Vous êtes considéré comme un représentant de l'art primitif. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme un... Comme un singe ? Comme un primate ? Bien, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez dit. Les choses vont comme vous voulez avec Andy Warhol ? Absolument, oui, on s'entend bien tous les deux. On se voit beaucoup. Il vous influence dans votre travail ? Pas tellement. Je dirais plutôt qu'on s'influence l'un l'autre. Pensez-vous à faire une exposition commune un jour ? Ben, c'est très probable. Demandez à mon agent. Est-ce que ça vous plaît qu'on dise de vous que vous êtes le Picasso noir ? Pas tellement. Je suis flatté, mais c'est aussi dégradant. Le 28 octobre 1983, dans une petite galerie privée de Soho, 20h20. Mes chers amis, je suis heureux de vous avoir réunis à ce petit vernissage privé où Jean-Michel Basquiat me fait l'immense honneur de l'exposer. Jean-Michel, New York est fier de te compter parmi ses artistes les plus talentueux. Rome est fier de toi. Zurich est fier de toi. Bientôt, Jean-Michel, le monde entier sera fier d'avoir vu naître une étoile. Mes chers amis, je lève mon verre. Trinquons tous à cet homme jeune, beau et talentueux, le grand Jean-Michel Basquiat. Chin chin. Bravo. Qu'est-ce que tu fabriques en boubou ? Tu t'es déguisé ou quoi ? Quoi, t'aimes pas ? Si, c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir habiller comme ça. J'ai sorti ma tenue d'Africain histoire de les faire parler. T'es bête ! Les journalistes écriront en gros titre à côté de ma photo, Jean-Michel Basquiat, au lard sauvage. Arrête ! Et qui sait, je ferai peut-être un jour la couverture du New York Times. Mais c'est certain. Hé hey Jean, j'ai des bonnes nouvelles. Les choses s'annoncent bien pour le procès. Les avocats sont super. J'ai rassemblé environ 4000 signatures pour exiger une enquête sur le rapport d'autopsie. J'ai prévenu des journalistes. Le président du Front National Noir Uni m'a accompagné à la mairie pour déposer la pétition. Et la presse était là. On va faire parler nous dans le pays. On va venger Michael. Suzy, c'est bien, mais n'en fais pas trop quand même. Il y a 12 flics impliqués dans l'histoire. 12, Jean, tu te rends compte? 12 connards contre un seul homme. 6 qui l'ont battu à mort et 6 menteurs pour les couvrir. Ils ont le toupet de dire qu'il est mort d'une crise cardiaque. C'est gros comme une maison. Ils peuvent pas s'en sortir, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Dis, tu me présentes tes nouveaux tableaux ? Ouais. Je te fais faire le petit tour. S'il te plaît. Ceux-là, tu les connais ? Miles Davis, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Charlie Parker, Max Roach. Mes héros. Ça swing. Et sur celui-là, qu'est-ce que tu vois ? Big Shoes. Oh, c'est moi, ça ? Je sais pas, devine. Mais tu es pas gentil, Jean. Ah ben quoi? Tu te moques de mes grands pieds. T'as des grands pieds, Suzanne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te peins tel que tu es. Bonsoir. Bonsoir. J'aime beaucoup votre costume. Je vous remercie. En tout cas, il y a de très beaux tableaux. J'aime beaucoup. Ouais. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur celui-ci? Non. Vous, dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, je vois un tableau noir. Oui. Avec un peu de blanc dedans. Tout à fait. Oui, voilà, je vois qu'il est quasiment tout noir avec écrit 59 centimes dessus des deux côtés du tableau. Tout à fait. J'imagine qu'il ne coûte pas 59 centimes. Ou même un dollar, si. Il est à 5000 dollars. Mais je vous laisse voir ça avec mon agent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Ce type est un bouffon. Un bouffon qui a de l'argent. C'est sa seule qualité. Ce tableau, Jean, parle-moi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... Vas-y, Suzanne. Qu'est-ce que tu vois? Je vois deux flics. Ouais. Je vois deux flics. Ils ont des étoiles ridicules sur leur képi. Ils portent tous les deux gros gourdins. L'un d'eux a la bouche ouverte. Sa bouche laisse entrevoir deux grosses canines comme Dracula. L'autre n'a pas de bouche. Leurs gourdins sont levés, prêts à frapper. Derrière eux, il y a comme un mur taché de rose, de rouge, de bleu, mais aussi de quelques graffitis. Et puis? Puis au centre, il y a une ombre, toute noire, entre les deux policiers. Cette ombre n'a pas de visage, elle n'a pas de corps. Elle n'a plus d'intestin, plus de veines, plus de tendons, plus de poumons, plus de ligaments, plus de cœur. Ouais, c'est juste une ombre, une forme, toute noire. Tellement noire qu'elle disparaît déjà, comme si elle n'était déjà plus là. Elle a une auréole noire au-dessus de la tête. C'est Michael Stewart. C'est lui. Ouais. Defacement. T'as appelé le tableau défiguration. Excusez-moi, je vous écoutais de loin et j'étais intrigué par ce tableau. À combien le vendez-vous? Ce tableau n'est pas à vendre, connard. Défiguration à répétition. Hier, aujourd'hui, etc. En février 1985, Jean-Michel Basquiat est le premier noir à apparaître en couverture du New York Times. Le 24 novembre de la même année, les six officiers accusés du meurtre de Michael Stewart furent acquittés et continuèrent à exercer leur métier. Les six autres officiers impliqués dans l'affaire pour faux témoignages furent également acquittés. En mars 1990, la famille Stewart obtint 1 700 000 dollars de dommages et intérêts, tandis que les officiers de police manifestèrent pour affirmer qu'ils n'avaient rien à se reprocher quant à la mort de Michael Stewart. 3 mars 1991, Los Angeles. René Glenn King, automobiliste noir, arrêté pour excès de vitesse. 5 novembre 1992, Détroit, Malice Green meurt des 6 août 1997, Brooklyn, New York, Abder Louis Matt, 4 février 1999, Bronx, New York. 16 mars 2000, New York, Patrick Dorismond, 26 ans, est tué par... 12 juillet 2000, Philadelphie, Thomas Jones, 30 ans, est sauvagement frappé par une dizaine de... 7 avril 2001, Cincinnati, Timothy Thomas, 19 ans, est tué par... 24 août 2003, Los Angeles, Deandre Brunston, 24 ans, tué par 22 25 novembre 2006, à New York, quartier du Queens, Sean Bell est abattu. 1er janvier 2009, Oakland, Oscar Grant, 22 ans, est abattu par un policier de la police du Rhin. Le 26 février 2012, Trayvon Martin, 17 ans, non armé, est tué à Sandford par le vigile George Zimmerman. Le 17 juillet 2014, Eric Garner, père de 6 enfants, meurt étouffé lors d'une interpellation. Le 20 octobre 2014, à Chicago, un policier blanc crible de 16 balles un adolescent de 17 ans. Le 20 novembre 2014, Akai Gurley est tué par un policier novice dans une cage d'escalier mal éclairée d'un HLM de Brooklyn à New York. Le 22 novembre 2014, un enfant de 12 ans manipule une arme factice sur une aire de jeu de Cleveland lorsqu'un policier l'abat sitôt arrivé. La scène est filmée par une caméra de surveillance. Le 4 avril 2015, Walter Scott, 50 ans, est tué en Caroline du Sud par un policier blanc qui l'a arrêté pour conduite avec un phare brisé. Le policier Michael Slager est arrêté 3 jours après, puis renvoyé de la police. Suite à la diffusion d'une vidéo amateur, on le voit le 19 avril 2015, Freddy Gray, 25 ans, meurt de ses blessures une semaine après une fracture aux vertèbres cervicales subie lors de son transport par la police après une arrestation musclée à Baltimore. 6 policiers sont inculpés, 3 ont échappé à une condamnation et le procès d'un 4e vient de s'ouvrir. Le 5 juillet 2016, les autorités américaines ont ouvert une enquête fédérale sur le décès d'Alton Sterling, 37 ans, à Baton Rouge en Louisiane. Il est armé, entend-on. Les 2 policiers dégainent leurs armes et plusieurs détonations retentissent. Sterling, père de 5 enfants, a été abattu dans sa voiture par la police sous les yeux de sa compagne et de la fillette de cette dernière à Falcon Heights lors d'un contrôle pour phare cassé. Stuart, ça aurait pu être moi. Yeah, I'm only down for the interim. Défiguration de Leslie Menahem avec Jean-Michel Basquiat, William Nadilam, Suzanne, Peggy Martineau, Bruno Bischofberger, Mathieu Marie, le médecin légiste Louis-Marie Audubert, journaliste 1 Samuel Charles, journaliste 2, narratrice, Vanessa Dolmen. Journaliste 3, Charlotte Campana. L'acheteur, Aurélien Ouzinski. Documentation, Marie Pluchet. Recherche musicale, Romain Couturier. Prise de son, montage, mixage, Arnaud Chapat, Ludovic Auger, Claire Levasseur. Bruitage, Elodie Fiat. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Laurence Courtois. Face to face. Tu étais complètement fauché, c'est ça? Ouais, je vivais à gauche, à droite. Comment tu survivais? Je survivais, c'est tout. On finit par survivre quand il le faut. À Brooklyn, à Manhattan? J'allais à Washington Square Park. Tu as fait des petits boulots? Non, non. Comment tu gagnais de quoi vivre? Je cherchais de l'argent par terre au Mud Club avec Al Ludka. Ouais, je me demande comment j'arrivais à tenir. Des jours sans dormir, en mangeant des chips au fromage ou n'importe quoi. Mais à l'époque, quelle était ta vision? Mais c'est pas drôle. Des chips au fromage? Ça ne coûtait presque rien. 15 cents. Faire la manche, boire du vin avec des poivrots. J'étais déterminé à ne pas rentrer chez moi. Mais tu ne t'es pas dit que tu pouvais devenir SDF? Ouais, plus ou moins. Ouais, je pensais que je serais à la rue, c'est sûr. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Défiguration, du peintre Jean-Michel Basquiat. Notre invité, Fabrice Ergotte, directeur du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Bonjour Fabrice Ergotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de Jean-Michel Basquiat, le peintre et l'homme. Alors après avoir été conservateur au Musée national d'art moderne, Georges Pompidou, entre 85 et 2000, vous avez dirigé le musée de Strasbourg entre 2000 et 2007, et depuis 2007, vous dirigez le musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous avez consolidé les relations avec les donateurs, collectionneurs et artistes, qui constituent évidemment une source essentielle à l'enrichissement du musée, avec notamment les donations de Le Chirico, d'Arger Gruber, Leroy, et j'en passe, un ensemble de près de 130 œuvres contemporaines et modernes. Mais revenons, si vous le voulez bien, Jean-Michel Basquiat, la rétrospective que vous aviez organisé au Musée d'art moderne de la ville de Paris il y a 5 ans, d'octobre à janvier 2010. C'était magnifique, une centaine de toiles, une soixantaine de dessins. Et à l'époque, vous avez dit, il n'y aura pas toujours beaucoup d'occasions d'en voir autant. L'expo a été couronnée de succès. Quelle a été la réaction du public? Oui, l'exposition Basquiat, qui était une rétrospective, a été un très grand succès. C'est la première fois qu'un grand musée en France faisait une exposition de cette ampleur-là. Et l'exposition a eu un énorme succès. On a eu, je crois, près de 370 000 visiteurs. Ce qui, pour un musée, disons, de taille moyenne, comme le Musée d'art moderne de la ville de Paris, est énorme. Et ça a été, pendant des jours et des jours, disons, des salles absolument pleines, des files d'attente devant le musée, et un grand enthousiasme du public. Donc, c'est évidemment lié à l'œuvre de Basquiat dont nous allons parler. Qui est Basquiat, finalement? Un enfant prodige, sans tabou, un paradoxe, une énigme, un graffeur. C'est un artiste qui a souvent été comparé à Picasso, même Van Gogh. Par certains, je ne sais pas quelle est la pertinence de cette comparaison, mais enfin, il tient une place importante. C'est un artiste extraordinaire parce que c'est une carrière fulgurante. Il est mort à 27 ans. Ouais. Donc, ce qui est extrêmement jeune pour un artiste peintre qui a fait une œuvre très importante et qui a eu une influence considérable à la fois dans son temps, puisque c'était une œuvre qui était complètement en rupture avec ce qu'on avait, ce qu'on voyait à l'époque dans le monde de l'art, et puis c'est une œuvre qui venait littéralement d'ailleurs, c'est-à-dire qui était, dont les sources d'inspiration étaient des sources qui n'avaient pas été utilisées de cette manière-là depuis, n'avaient jamais été utilisées. Donc c'était vraiment une sorte d'ovni qui arrivait à la fin des années 70 à New York et qui très rapidement a été reconnu par le monde de l'art et par le marché d'abord, pour être tout à fait franc, et puis dont l'influence ensuite sur des générations d'artistes a été grandissante. Alors c'est lié aussi à sa vie, parce qu'il y a à la fois une légende et une vie, les deux se rejoignent, et cette vie-là, elle a évidemment une implication dans ses tableaux, dans son œuvre. C'est important ça? C'est quelqu'un qui vivait à la manière d'un Rimbaud, c'est-à-dire que la peinture était pour lui un engagement complet, une sorte de poésie, d'une intensité, poésie visuelle d'une intensité énorme. Il y mettait tout, il mettait toute sa vie, et il brûlait sa vie avec une sorte de fièvre, qui a beaucoup déconcerté d'ailleurs les gens qui le fréquentaient. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était très instable, qui travaillait beaucoup, mais qui en même temps était très instable et qui n'était jamais vraiment à l'aise dans les milieux dans lesquels au milieu des gens qu'il croisait. On l'a dit, inspiré par Hugo, Miles Davis ou Cassius Clay, il y a comme cette espèce de syncrétisme d'influence. Vous adhérez à cela? Vous sentez oui, cela? Oui, il a beaucoup. La musique était très importante pour lui. La musique, évidemment, la musique noire américaine, mais aussi le folk. Oui. Ça a été quelque chose de très important par le côté extrêmement rude, enfin un peu âpre de la musique folk, qui était une chose, je crois, une qualité qui était importante pour lui. Bon, il est arrivé aussi au moment où le hip-hop naissait, et ça a été un élément important aussi dans sa... dans la formation de son art. Il faut se rappeler que Basquiat est d'abord, avant d'être un peintre, d'abord une sorte de peintre au sens visuel, pictural, était un peintre des mots. C'est-à-dire qu'il a commencé dans les années 70 par des graffitis qui n'étaient que des mots, des slogans dans la rue, et une sorte d'artiste conceptuel en quelque sorte. Il est venu plutôt du langage pour arriver à la peinture. Et il a toujours continué à peindre en mettant des mots, des phrases dans ses tableaux. Et le hip-hop, enfin, l'utilisation de la langue parlée, en quelque sorte, je dirais pas du Sprechgesang comme chez Schoenberg, mais en disant d'un langage extrêmement, de phrases qui sont pas chantées, mais qui sont dites dans la musique, est finalement très proche de ce que faisait Basquiat dans ses tableaux. Alors, son histoire est rattrapée par l'histoire contemporaine et ce que nous décrivons dans la fiction, hein, c'est la mort de son ami graffeur Michael Stewart, tué par la police parce qu'il était noir. Et aujourd'hui encore, des jeunes noirs sont tués par la police. Ça fait la une de la presse américaine. Des mouvements comme les Black Lives Matter, les noirs ont le droit de vivre, continue finalement le combat auquel Basquiat était attaché. Oui, c'est un combat que Basquiat a très bien connu. Enfin, on voit dans le film qu'avait fait Schnabel sur lui que les taxis refusaient de le prendre parce qu'il était noir. Il avait du mal à rentrer dans certains dîners parce qu'il était noir. Enfin, il faut pas perdre de vue qu'au début des années 80, le racisme était encore extrêmement présent à New York. Enfin, être noir n'était pas une chose très, très simple. Et lui-même était très, je pense, très déconsidéré par le milieu de l'art essentiellement WASP, blanc et traditionnel. Et il a eu beaucoup de mal à s'imposer. Par le simple fait que c'était un artiste coloré, comme on dit aujourd'hui. Et est-ce qu'il est le seul peintre à être traversé par ces influences dont nous venons de parler, à la fois qui se rattachent à sa vie, hein, et à la société dans laquelle il vit, et à la fois dans les éléments de son art, un collage, les mots, les couleurs du noir au vif? Est-ce qu'il est le seul détenteur de cela? À cette époque, c'est celui qui a certainement fait la plus grande synthèse. C'est-à-dire qu'il avait une très grande capacité de synthèse par la forme même de sa peinture, où les mots jouaient avec les images, et il était comme une éponge, il absorbait tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, il reconstituait, disons, ce qu'il avait entendu, ce qui le marquait, ce qui l'obsédait, et les événements de la vie, des faits divers aussi graves que le meurtre, l'assassinat de Noir par la police new-yorkaise, c'est une chose qui l'a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Dans mes toiles, je barre les mots pour que vous les voyez davantage. C'est ce qu'il disait aux journalistes et aux critiques. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans ces mots, précisément? Oui, c'est en fait le fait de barrer un mot, de le faire de manière ostensible, est une forme de violence. Et c'est comme violenter un mot, c'est-à-dire lui donner une dimension émotionnelle beaucoup plus grande. Et il savait utiliser ça. Enfin, c'était un artiste absolument qui avait une intuition, disons, de la force plastique d'un mot. Comment, quand un mot était écrit, ce qu'il disait, comment il était écrit. Le graphisme de Basquiat est extrêmement reconnaissable. Et ces mots ont tous un sens. Enfin, tous les mots dans ces tableaux ont un sens. Et tout ça construit un sens qui continue aujourd'hui, disons, à nous interroger, à nous dire des choses qui sont liées à notre société, qui n'a pas finalement tellement changé et qui est allé plutôt dans le sens un peu négatif que Basquiat envisageait. Merci Fabrice Ergot, on va se retrouver dans 3 minutes pour continuer à parler de Jean-Michel Basquiat, de son art, de l'art et aussi du marché de l'art. Comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Oh, comment je peux peindre? Hey, Saul, comment je peux être plus productif, plus créatif comme Basquiat, man? Je sais pas. Drink more. Comment je peux être? Smoke more. Oh, comment je peux peindre? Je sais pas. Oh, comment je peux peindre? Tu connais tout. Oh, comment je peux être? Le chercheur d'or a trouvé l'or. Je mange la terre rouge. Je bois l'asphalte noir. Et je crache sur la toile des signes préhistoriques qui éblouissent le futur. Oh, je suis le roi courroucé. Je suis l'amoureux blessé. Ma couronne de diamant, ma couronne de feu, ma couronne de sang. Je la dépose tendrement sur ton sexe offert. Puis je la jette dans la gueule de la lumière. Oh, je suis Jean-Michel Basquiat. Je suis Jimi Hendrix. Je suis Charlie Parker. Je suis une superstar. Je Je suis une méga superstar. Ma navette spatiale explose en plein vol. Oh, Black Moon, narcotique, Blue Balloon. Cher Mister Ogun, créateur du Big Bang, j'arrache à Picasso son pinceau sexuel. Et avec ce pinceau sexuel, je repeins le monde. Et le monde n'a plus la même couleur. Je repeins le monde. Et le monde n'a plus la même couleur. Yeah. Oh, comment je peux être. Oh, comment je peux être. Oh, comment je peux être. Oh, comment je peux être. Inside. Boom! The question of identity. Woe is me, woe is me. Pop is captive, set boom free. Boom! Blood stains on asphalt. False start, false start. Closed fist, open heart. Polaroid cardiac. Salt peanuts, king of crack. And it's like that, and it's like that. And it's like that, and it's like that. Boom! The coming of going. The absence of knowing. An absent and glowing. Time lapse, fast and slowing. The ground starts to shaking. Fabrice Ergotte, on va parler un peu du marché de l'art et de l'art de Basquiat dans ce marché-là. La majorité des œuvres de ces œuvres seraient détenues par des propriétaires privés, c'est le cas déjà ? Il y a quelques grands marchands qui ont un nombre important d'œuvres, oui. Quelques grands marchands et collectionneurs qui ont un nombre important d'œuvres. Est-ce que ça peut mettre en cause la possibilité pour le grand public d'assister à des expos parce qu'elles seraient impossibles à monter pour des raisons financières ou économiques ? C'est pas lié forcément à Basquiat, c'est lié à l'art en général, mais pour ce qui concerne Basquiat. C'est peut-être un peu plus vrai pour Basquiat dans la mesure où il y a une assez grande réticence des musées au moment où Basquiat était en vie, au début des années 80. On le percevait comme un phénomène commercial, comme une sorte de bulle comme ça, disons un peu spéculative d'un certain marché de l'art. Mmh. Et je crois que ça a commencé à s'arrêter avec l'exposition que nous avons fait en 2010, donc vraiment près de 25 ans après la mort de l'artiste. Et jusque-là, les musées avaient le sentiment que c'était une œuvre qui allait passer. Et ils se sont trompés. Et certains grands marchands qui ne se sont pas trompés et qui avaient l'œil ont thésaurisé des œuvres. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire une vraie exposition aujourd'hui sans passer par eux. L'autre obstacle aujourd'hui, c'est que les valeurs de ces œuvres, et en particulier pour les assurances quand on les emprunte pour faire une exposition, n'ont cessé maintenant depuis une dizaine d'années d'augmenter, voire d'exploser. Donc, ce sont des qui valent très cher aujourd'hui, qui sont aussi très fragiles et donc qui sont très difficiles à faire voyager et à rassembler à une grande échelle. Et comment des œuvres peuvent prendre une telle valeur si rapidement ? Vous avez donné un élément de réponse à l'instant là, qui était très clair. Mais tout de même, qu'est-ce que c'est allé vite, quoi ? Ça monte tellement vite ! C'est allé vite aujourd'hui, c'est-à-dire c'est allé vite depuis maintenant une dizaine d'années, mais au moment de la mort de Basquiat, en 1988, il n'y avait pas un sentiment que l'œuvre allait rester. C'est-à-dire on avait le sentiment que c'était vraiment quelque chose qui avait été un artiste à la mode. C'est ça, la bulle dont vous parliez tout à l'heure. Et ça a été, il y a eu quelques années, disons, pendant lesquelles Basquiat a littéralement disparu ou quasiment disparu du marché, où les tableaux ne valaient pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de son vivant, qui était une reconnaissance comme un artiste à la mode, comme un chanteur qui fait un tube qui plaît à tout le monde, mais qu'on ne prend pas très au sérieux. C'est retombé après sa mort et c'est revenu ensuite assez lentement. Maintenant, c'est évidemment très important. Est-ce qu'il a eu le temps, lui, de gagner de l'argent ? Puisque vous dites, sa reconnaissance a été du temps de son vivant, bien sûr, mais surtout posthume. Il a gagné beaucoup d'argent parce que les tableaux sont vendus très vite, très cher, parce que c'était vraiment un artiste que tout le monde s'arrachait. Mais tout le monde, mais pas les musées, et peut-être pas non plus les très grands collectionneurs, c'est-à-dire ceux qui étaient près d'un certain marché ou qui avaient une intuition que ce soit très bien. Mais à la fin de sa vie, c'était quelqu'un qui était en permanence drogué, c'est-à-dire qui était dans un état très difficile, et ceux qui l'environnaient ne donnaient pas cher, disons, ni de sa peau, ni vraiment de son œuvre. On avait le sentiment qu'il était en trop mauvais état. résultats pour pouvoir faire des tableaux intéressants. Et on s'était trompé. C'est-à-dire, en fait, il arrivait, malgré ça, à faire des tableaux sublimes. Par votre métier, vous parcourez le monde à la découverte de nouveaux talents pour promouvoir l'art contemporain, c'est normal. Hein. Avez-vous ou espérez-vous découvrir un nouveau Basquiat ? Ça se présente jamais sous la même forme, c'est-à-dire que Basquiat est une, enfin, c'est presque comme dans un milieu naturel, c'est-à-dire c'est une variété d'artistes en quelque sorte qui apparaît dans un milieu très précis, dans une histoire très précise. Ouais. Je pense qu'il y a forcément d'autres Basquiat, mais d'une qui font autre chose et qui apparaissent à d'autres endroits. Mais il est certain qu'il y a une, enfin, dans des environnements difficiles, comme l'a été New York dans les années 70, on peut parfois, avec en même temps, disons, une grande capacité de regard, d'écoute des gens qui sont là, on peut trouver des artistes qui réapparaissent ou qui apparaissent. Il y aura certainement d'autres artistes dans les années qui viennent qui auront l'importance de Basquiat. Alors, on parlait de ces tableaux et de leur valeur marchande. Je vais citer de quelques chiffres quand même. 10, 20, 30 millions pour atteindre un record. On a un record à 48 millions et 800 000 dollars en mai dernier à New York pour Dusty Hayes. Et en 10 ans, plus de la moitié des Basquiat ont changé de main. C'est ça aussi le marché de l'art. Quelles sont les toiles les plus recherchées et sur quelle période ? Toutes les époques sont intéressantes, ça dépend vraiment des sujets, je crois. Les sujets font la différence. Il y a une assez bonne période autour de 80-82, mais bon, c'est une œuvre qui est très courte dans le temps. Il faut se rappeler que Basquiat n'a jamais vendu un tableau plus de quelques dizaines de milliers de dollars, donc lui n'a pas, enfin, ces sommes-là, il nous écouterait aujourd'hui, il serait ahuri par la valeur que ces tableaux ont pu atteindre. Mais il y a des tableaux très beaux à la fin. Il y a des, il y a des moments de grâce dans son œuvre, pratiquement, je dirais tous les mois, enfin tout au cours de sa production. Et donc il y a quelques tableaux très célèbres qui sont des tableaux qui sont véritablement des icônes de l'art de la fin du XXe siècle et qui resteront pour toujours. Tiens, en parlant d'icônes, Andy Warhol, qui est une autre icône, il y a un rapport, Basquiat ou Warhol, une influence, peut-être le sentiment d'appartenir à un même monde. Est-ce qu'il a pu diffuser, notamment dans la jeunesse de l'époque ? Ils ont une relation très forte, puisque Basquiat admirait Warhol, considéré comme un des très grands artistes vivants. Il a été très très impressionné quand il l'a rencontré. Et Warhol était fasciné par Basquiat, qu'il trouvait extrêmement talentueux. Warhol avait un sens de ce qui était, disons, dans l'air, de ce qui était en train de se faire. Il avait compris que Basquiat non seulement était un très bel homme, il était aussi extrêmement timide, et je crois que ça répondait à la timidité de Warhol, qui était quelqu'un aussi d'assez renfermé. Et ils ont été très amis, et ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des tableaux ensemble en 1985, et ces tableaux ont été exposés. Ça n'a pas du tout été un succès, enfin, les tableaux ont été rejetés par la critique. On a accusé Warhol de manipuler Basquiat, parce que Warhol était perçu comme une sorte de gourou, un peu dangereux, et ce qui a beaucoup blessé Basquiat. Et puis Warhol est mort accidentellement en 86 par une erreur médicale. Il avait été hospitalisé pour un problème de bile, et il a été il est mort donc à l'hôpital pour asphyxié, enfin bêtement, par le goutte à goutte qu'on lui avait administré. Et ça a été absolument un désastre pour Basquiat, qui a extrêmement mal vécu finalement l'artiste dont il était le plus proche, et avec lequel il avait le sentiment de pouvoir développer un art qui était aussi ambitieux que celui qu'il souhaitait faire. Bien, Fabrice Ergot, on va terminer par une question plus personnelle, mais directement reliée à votre activité professionnelle, à l'art et à Jean-Michel Basquiat. Quelles sont vos toiles, ou quelle est votre toile préféré? Est-ce que vous pouvez comme ça choisir? Difficile, hein, de choisir. C'est difficile de choisir. Il y en a de très beaux, très beaux tableaux. Il y a un tableau tout à la fin, qui s'appelle Riding with Death, chevaucher la mort, et qui est un tableau assez fascinant, prémonitoire aussi, de l'approche de la mort. Et je trouve que c'est un des très beaux grands tableaux, et qui est un tableau auquel je pense quand je fais mentalement comme ça une sorte de rétrospective de l'œuvre de Basquiat. Bien, merci infiniment en tout cas, Fabrice Ergot, de nous avoir parlé de Basquiat et aussi du marché de l'art, quelque chose de fascinant qu'on ne connaît pas. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Défiguration, une fiction écrite par Leslie Menahem, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Julien Michel.